une histoire particulière. Ils portent des blousons kaki ou camouflage, des jeans coupés courts ou retroussés, délavés, javelisés, un t-shirt ou des chemises à carreaux, le tout agrémenté d'un ceinturon, de fines bretelles, de patchs et de badges. Ils ont le crâne rasé et dans les années 60 puis les années 80, ils appartiennent à un mouvement très connu, le mouvement skinhead. L'idée reçue, c'est que les skins sont des voyous stupides, violents, xénophobes et d'extrême droite. Au risque de vous surprendre, une grande partie des skins est antiraciste. Beaucoup d'entre eux écoutent des musiques noires, du ska et du reggae, l'équivalent jamaïcain de la soul et du blues. Skinhead, histoire de jeunesse. Un documentaire de Philippe Roisès, réalisé par Delphine Lemaire. Première partie, Farid, premier skinhead de France. Les skinheads, premiers fans de reggae en Europe. Difficile à croire, et pourtant. Le mouvement skinhead apparaît en Angleterre à partir de 1966. Avant eux, il y avait les mods, élitistes amoureux de la musique noire américaine et des costumes italiens. De là, les jeunes éléments issus des quartiers populaires, enfants de la classe ouvrière, se coupent les cheveux très courts en réaction au psychédélisme et au mouvement hippie qui séduit surtout les étudiants des classes moyennes supérieures. Les skinheads sont nés. Ils s'inspirent des tenues vestimentaires des jeunes immigrés jamaïcains de leur quartier, les Rude Boys, et adoptent leur musique. Entre 1968 et 1971, les skinheads popularisent le ska, le rocksteady, puis le reggae, dont les tubes envahissent le hit parade britannique. I want all you skinheads to get up on your feet. Put your braces together and your boots on your feet. And give me some of that old moon stamping. Get ready. We got 3 million miles to reach on the moon. Mais le phénomène de bande, la tradition de la bagarre entre mouvements de jeunesse, l'émergence du hooliganisme, entache déjà leur réputation. Des bandes attaquent même parfois des jeunes indiens et pakistanais, non pas à l'époque pour des raisons politiques, mais parce que tout simplement, ils n'ont pas selon eux la classe des Jamaïcains. Le mouvement skinhead s'essouffle à partir de 1971 pour renaître en 1977 à la faveur de l'explosion punk. Le renouveau ska britannique, incarné par Madness, The Specials, The Selector, est plébiscité par cette seconde vague au look endurci. Les skinheads créent aussi des groupes, jouant un punk rock imprégné de chœurs de supporters de football. La musique Oi est née. La crise économique favorise le recrutement de certains par les partis d'extrême droite. De patriotes, une partie de plus en plus importante du mouvement se proclame nationaliste xénophobe, puis carrément nazi. De cette histoire, les médias n'en retiendront que ça. En France, où on dit skinhead, skin, ou en verlan noski, le mouvement s'est exporté dès 1978. Il est né à Colombes, ville de banlieue parisienne où j'ai grandi. Farid, le premier skinhead français, j'en ai entendu parler il y a bien longtemps, lorsque j'étais jeune punk. Bon, en fait, mes parents, faut parler plutôt de mon père, puisque la maman, elle suit. Farid. Il est venu en France dans les années 50. Il vient d'Algérie. Et en fait, bah, ils sont venus s'installer en France parce que ils avaient faim. Et donc, bah, après, c'était la recherche de l'emploi, quoi. Les boulots dégueulasses. Moi, je suis né à Nanterre en 63. J'ai trois frères et une sœur, plus une... qui est ma frangine d'adoption, en fait. Je suis sorti de l'hôpital quand je suis né pour passer au bidonville de la rue Colbert, dans lequel je suis resté jusqu'en 68. Ça, c'est à Nanterre ou à Colombes ? C'est à Colombes. Pas d'eau chaude, pas d'eau froide, pas de chauffage, des maisons de briques et de broc, comme les Roms, là, en fait. Électricité ? Non. Ah ben non. Pas d'évacuation, j'imagine ? Ben non. Et puis on était dans la boue en permanence, en fait. Alors, moi, personnellement, je l'ai bien vécu parce que j'avais mes deux parents. Je savais pas qu'on était dans la merde, en fait. Et en 68, on a intégré une cité de transit. C'est du espèce de préfabriqué, recouvert d'une espèce de couche de métal. C'était un peu une banlieue dans la banlieue. C'était vraiment un peu le village maghrébin, quoi. Et là, c'est la première fois qu'on a découvert de l'eau qui sortait d'un robinet, de l'eau chaude. Alors, cité de transit, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est censé être provisoire. Oui, mais c'est toujours du provisoire qui dure. On y est resté de 68 à 72. Et à 72, on a enfin pu habiter dans un HLM lambda, quoi. Avec des messieurs Dupont, Morel. En 72, j'ai perdu ma mère. J'avais 9 ans. Et à ce moment-là, les choses n'ont plus du tout été pareilles. Ça m'a rendu furieux. J'ai commencé à cogner sur les gens, en fait. C'est l'année où j'ai foutu le feu à l'armoire de la cantine, à l'école. C'est la première fois que je suis revenu entre deux gendarmes. T'as un père qui était dur. Très dur. L'espèce la plus dure. La pédagogie, on ne connaît pas trop. Grosso modo, c'était « fais ce que je te dis et fais où je te dis. Sinon... sinon la rouste. » Ton père, il en parle à toi et tes frères et sœurs du retour en Algérie ? Ah ouais, bon, pour nous, c'était réglé. Hein. Il n'y avait pas de Français qui tiennent. T'es pas Français, t'es Algérien. Je suis là pour travailler. Après, on rentrera chez nous. À l'école, on te donnait des bouquins. C'était des bouquins d'histoire. Moi, j'ai toujours kiffé l'histoire. C'était l'iconographie Napoléon III, avec Vercingétorix, la crinière en arrière, au pied de César, Augustement assis sur son truc, en train de jeter ses armes au pied, tout. Et puis là, je regardais César, je disais, putain, enculé de César. En fait, le fer à repasser France, il commençait à marquer, tout doucement, sans que tu t'en rendes compte. Ah ouais, t'as vu, mes ancêtres, ils coupaient du gui, avec une robe blanche. Et puis après, t'arrives au sujet, Charles Martel a arrêté les Arabes à Poitiers. Et là, je lui dis, mais c'est pas nous les Arabes. Vers 12 ans, première garde à vue. Ceux qui m'ont appris le racisme, c'est la police. Alors eux, pas de pitié. Ah, ils m'ont fait baver des ronds de chapeau. Bah, je vais m'en taper. Shooter à coup de talon sans pitié. J'ai découvert le punk en 77. J'ai 15 ans, je crois, 14-15 ans. Pour moi, c'était le coup de kick. Le côté de déglingo. Et rien à foutre de la mode, rien à foutre de rien, quoi, en fait. Musique déglinguée. Nos limites. Vous devenez punk à plusieurs ? Ouais. Coupon était... 3-4. Moi, j'étais fondu de ce groupe. Et un jour, j'ai vu des images de leur following, qui s'appelait la Cham Army, des images de Reading, en 78. Donc ces photos, c'est le proche public de Cham 69 au festival de Reading, c'est ça ? Ouais. Et là, j'ai vu des Nuskies, et j'ai dit... Ah ouais, c'est les plus violents, c'est ça que je veux. Moi, les premiers que j'ai vus, hein, sur les images, des fachos. Mais bon, si facho, je m'en fous. La dégaine, je la veux, je la prends. Puis finalement, tout le monde a suivi le mouvement. Nous, on était tous des fils d'ouvriers. Et ça, c'est le côté qui m'a plu, parce que tous les neuskis, moi, que je voyais à l'époque, ou du moins les Anglais, revendiquaient tout ça. Working class, working class. Bon, après, il faut dire que pour les vêtements, j'en ai pas été servi tout de suite. Il fallait pas compter sur coupe de douille bien propre, chemise Ben Sherman, Doc Martens. Nous, c'était plutôt les bretelles épaisses comme quatre doigts, avec les futins à la charlot, les gros brodequins écrase-merde. Qu'est-ce qu'on était mal fagotés, putain. Tondu à blanc comme ça, là, avec nous. Et ça jetait un froid. En fait, moi, je suis arrivé ici en fin 77. J'avais 14 ans. Et puis, le quartier m'a plu, et puis on a commencé à traîner là. On s'est installé à La Fontaine, on n'a plus bougé. Donc ici, c'est La Fontaine des Innocents. Voilà. D'abord, c'était vide. Il n'y avait que le trou. On venait de démolir les halles, donc tout n'était pas construit. C'était un peu décrépit. Il y avait un côté un peu zone. Tous ces commerces, là, tu vois là, pommes de pin, machin, McDo, tout ça. Il n'y avait rien de tout ça. Il y avait une brasserie en face. En fait, la grosse transformation, c'était vraiment entre quand ils ont bâti le forum. Après, tout s'est accéléré. Toutes les façades ont été ravalées. Moi, c'est devenu café de commerce, petit bar branché. Alors, votre bande à vous, ce qu'on a appelé donc les skins des halles, c'est qui? Ah ben, c'est moi. Et vu que c'est moi qui ai lancé l'idée. Et puis, ben, en fait, c'est les potes de Colombe. Le noyau dur, en fait. Fan, Pierre, qui est devenu le fameux Pierre-Paul Jacques, son frère Hugues. C'est quoi le plus gros de vos activités ici? Boire, fumer, se battre, vandalisme. La dépouille? Pas mal aussi. Tu vas me donner tes chaussures. Tu vas me donner ton blouson. C'est des trucs aujourd'hui, j'ai même du mal à m'imaginer en fait. Comment vous voyez les gens, entre guillemets, normaux du coin? Tu vas halluciner. Je te dirais, qu'est-ce que c'est que cette équipe de dingos? En plus, on était complètement fous, hein, faut le dire. Est-ce qu'il y a des gens avec qui tu t'es battu ici et vous deveniez potes Plein. Ah ouais. Quasiment du jour au lendemain. Ah non, mais pas du jour au lendemain. Moi, je me suis battu avec des mecs ici, on s'est remplis, et puis après, on allait boire un coup. Et ce qui a dû marquer les gens, c'est de voir un petit agité comme ça, tout maigrichon, puis tout fou. Et qu'on n'a rien à foutre de rien, en fait. On était comme une meute de petits chiens de la casse, en fait. Petit chien perdu sans colis, c'est exactement ça. On se rappellera les filles idéales, au visage pâle, sentimental. On se rappellera pour pas oublier qu'on les a presque aimés. On se rappellera des skins idéales à La Fontaine des Innocents qui faisaient très peur aux passants. Farid, j'ai le souvenir d'un mec qui pesait 20 kilos, mais qui qu'on aurait déménagé des tonnes à lui tout seul, quoi. Enfin, tu vois, c'est ce mec qui était capable de te coucher un mec qui avait trois têtes de plus que lui, d'une patate, enfin. je l'ai vu une fois sur La Fontaine, envoyé au tapis, un mec d'une droite. Madge, ami de Farid. Et surtout, de mec qui avait cette valeur en lui de fraternité, de fidélité, en amitié, qui était capable d'aller jusqu'au bout. Mais c'est son caractère. Hein. Alors, des fois, c'est bien, des fois, c'est un peu plus chiant, parce que, bon, il n'est pas dans la demi-mesure, on va dire. Il ne fait pas les choses à moitié. Moi, je suis né en 63. Donc, l'immédiate fin de guerre d'Algérie. Moi, ma préadolescence, c'est les années 70. On était encore les enfants des Arabes, finalement. On n'était pas... Il n'y avait pas ce truc de beurre. En 13, on a atterri ici, entre les Lilas, Romainville, Bagnolet. Donc ici, il y avait toute une école de grands voleurs à la tire. Et si tu veux, c'est les mecs avec qui j'avais grandi. Alors, moi, j'étais dans mon truc de rockers, machin, mais comme on était des mômes du coin, bon, des fois, bon, ben, je bougeais dans Paris avec eux. Et on traînait souvent rue du Faubourg-Montmartre. Et donc, un soir, en juin 80, on arrive vers 20h, rue du Faubourg-Montmartre, donc, et on voit plein de punks. Il y a un concert de Sham 69 au Palace. Et d'un coup, on voit débouler 7-8 mecs, rasés, bomber vert, lookés skin. Mais voilà, mais moi à l'époque, je sais même pas ce que c'est. Finalement, des mecs qui ont mon âge, quoi, 16-17 ans. Tout le monde se précipite sur eux. Vous êtes quoi, machin, des fachos, nanana. Alors bon, je peux te dire que là, ça emmenait pas large. Et il se trouve que dans le lot, il y avait Farid. Il y avait Albert, qui était un juif d'origine marocaine. Il y avait Couscous, un skin historique de Paris. Ils sont rentrés dans le concert, et le bruit est parti qu'il y avait des fascistes dans la salle. Donc ça a appelé partout. Là, t'as eu des mecs du Bétard qui sont arrivés en équipe, mais costaud, hein. Le Bétard, c'était une organisation, Ouais, on peut parler de milice juive, sioniste. Et je te dis, il y avait peut-être 200 personnes devant le palace qui attendaient la sortie du concert. Je pense que ce qui les a sauvés, c'est en fait la présence de Farid et Albert. Parce que moi, direct, j'ai vu Farid, je me souviens, je lui ai dit, mais t'es rebeu, toi. Et ça a tempéré le truc. Et finalement, de ce jour, j'ai traîné sur les Halles avec eux. Pour moi, ça allait durer tout le temps. Aucune projection d'avenir. Aujourd'hui, je suis comme ça, c'est que demain, je serai aussi en mort. Combien y a-t-il de skin rock crevés sur la place de la République? Combien y a-t-il de skin rock crevés en les sous-sols de prise unique? Combien y a-t-il de samedi soir pour tous les rockers solidaires? Combien y a-t-il de lundi matin La Souris Déglinguée, ça a été un groupe important pour vous. Ils ont été adoptés un peu, comme étant un peu le groupe de la rue. Ils ont quand même un côté populaire qu'ils ont mis en avant tout de suite. Le concert de la Souris à l'Opéra Night, c'est un concert qui a très mal tourné. Il y a eu déjà plusieurs bastons pendant le concert. Et puis ensuite, il y a le frère d'une copine, il s'est pris un coup de fusil à pompe à blanc par un dévideur. Bon, il ne l'a pas envoyé à l'hôpital dans un état super grave. Enfin, il l'a quand même brûlé, troué le blouson. Et alors là, tout est parti en sucette. On a tout pété dans la salle, puis après on est sorti, on a tout pété sur le boulevard. Toutes les vitrines sur le boulevard, les voitures. T'as fait un groupe, toi? Ouais. SAMU 92. Moi, je faisais chanteur. Soi-disant. Un barailleur, plutôt. Enfin, j'ai pas baraillé longtemps. On a fait qu'un concert. Un de ces rats fut infâme. 5 minutes, baston général. La politique, c'était pas votre truc? Rien à foutre. La politique, c'était qu'un truc d'étudiant, en fait. Nous, on était tous dans la rue. Donc, dans la rue, on voulait boire, fumer, baiser, se battre, écouter du rock'n'roll. Les saluts nazis par provocation, ça a existé? Ouais, il y en a eu. J'irai pas dire qu'il n'y en a pas eu, il y en a eu. C'était pour choquer. Fallait pas le faire quand Albert était là, déjà. Ça se passait très mal. Pourquoi? Albert était juif. Et donc, bon, il tolérait un coup comme ça ou deux pour la rigolade. Hein. Mais t'entêtes pas trop. Hein. Ouais, visiblement, il y avait des militants de la FAN, le groupuscule néo-nazi, qui traînaient aussi. Et t'as dit une fois qu'ils auraient pu te récupérer. Bah, tu peux récupérer n'importe qui est en rupture de banc. Suffit d'y dire, le prendre au bon moment, lui dire les bons trucs, c'est arrivé à plus d'un. Hein. Et puis moi, c'est vrai que j'avais pas vraiment d'identité propre. Parce que pour te faire une identité, il faut du solide, il faut quand même du vécu. Il y a quand même un petit peu de temps aussi. Et moi, j'étais trop jeune. Donc, j'avais déjà plus ma culture d'origine. Enfin, je commençais déjà à m'en écarter, puisque j'étais déjà moins en famille, plus dans la rue. Et puis après, ma famille, c'était mes potes. Et puis, il y a quand même un truc. Du fait qu'on soit né ici, tu grandis. Quand tu rêves, tu rêves pas en arabe, tu rêves en français. Ça, c'est un signe. Finalement, être Nuski, ça m'a permis de gérer mes problèmes d'origine, en fait. Ça n'allait plus me faire chier ou là, être français, rebeu, ceci, cela, vas-y, je suis Nuski, je t'emmerde. 5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. J'ai vu tout le monde qui faisait la fête. Qui c'est ce Mitterrand ? Moi, tout ce que j'ai retenu de cette soirée, c'est que ça courait dans tous les sens, dans la rue, ça chantait, ça gueulait. Je ne savais même pas qui c'était ce Mitterrand. Je ne connaissais même pas son programme. J'ai dit, la politique, c'était une autre planète. Je ne savais même pas qu'on avait des droits. Nous, on était hors-circuit. Et après, quand en 83, il y a eu la marche pour l'égalité et contre le racisme, tu t'en souviens ? Ça a évoqué quelque chose pour toi ou ça veut rien dire ? Rien du tout. Moi, je me voyais pas dans la marche des beurs, puisque moi, j'étais Nuski. Et encore, j'y sens en 83, faut être précis, j'étais un junkie habillé en skin. J'ai goûté le meilleur truc de ma vie. La solution à tous les problèmes. L'anesthésie générale. Moi, au début, j'ai pas perdu de puissance du tout. Hein. Ça, c'est les débuts. Hein. Après, quand tu commences à rentrer dans le truc, tu perds tout. Moi, je sais qu'il y a eu un avant et un après. J'ai plus jamais été le même. Même si j'ai récupéré, même si... Mais un truc s'est perdu, j'ai jamais retrouvé. Et vous êtes plusieurs de la bande à avoir plongé ? La moitié. Il y a Franck qui est mort. Il y a Guillaume. Il est mort pour un paquet d'héros à 10 queues, 100 francs. Il a pris un coup de couteau dans la carotide. On l'a vu se vider. J'ai lavé son sang, moi, dans la rue. À plein milieu de la rue Saint-Denis. Bon, et puis il n'était pas vu, hein. 17 ans. Celui qui s'est pas fait tuer par coup de couteau, il est mort du sida. Parce que ça aussi, c'était une hécatombe. Tout le monde a contaminé tout le monde. Alors, quand tu arrives à trouver une seringue potable où tu peux te shooter correctement, bah, je vais te dire, elle tournait pour 3 ou 4 mecs. Hein. Mais à l'époque, c'était une sentence de mort. Hein. Là, on disait texto, tu rentres dans le couloir de la mort. Faut remettre ça dans le contexte de l'époque. Il n'y a pas de trithérapie. Et puis, il y a le côté pestiféré. La maladie des pédés, des drogués, des... Tu vois. J'avais de radio une heure, je dis, excuse-moi, je suis un peu séropositif. C'est pas grave. Hein. Ah, projet d'avenir, mon pote. Je m'assois sur tout. Hein. Boulot, faire des enfants. Je me suis dit, mais je fais quoi, là, maintenant ? Quand j'ai décroché de la schnouf, en fait, j'ai laissé derrière la vie de toxico, la vie de Nuski, puis je suis passé sur autre chose. Et quelle année ? Ça, c'est 84. À l'été 84, en fait. Moi, je me suis jamais construit d'avenir. Moi, je me suis refabriqué un quotidien. Il marche dans la rue comme des soldats perdus. Il le croit sur le front comme... comme seule décoration. Ils n'ont rien prévu pour leur promotion, même pas de ce sourire de la révolution. Tous mes camarades sont des soldats perdus, parce qu'à la musique et aux vies presque nues, on les accuse d'avoir des idées. L'histoire coloniale, et puis tout le reste, hein. L'histoire du fascisme, l'histoire... faut connaître les trucs, faut lire. Tant que tu lis pas, tu peux te faire embobiner par n'importe qui. Le bouquin, c'est un bouclier, en fait. Il lit beaucoup, mais toujours, il a toujours beaucoup lu. Hein. Et même, c'est un truc que j'admire beaucoup chez lui, parce que c'est quelqu'un qui a... Bon, moi, j'ai eu la chance de fréquenter l'enseignement supérieur, donc bon, j'étais à l'université, mais lui, je veux dire, quand tu vois son parcours scolaire et son niveau de culture générale, t'es quand même sur le cul. Hein. Il a la culture générale bien supérieure à des gens qui, souvent, ont été très loin dans... Et ça, c'est impressionnant. Je l'admire beaucoup pour ça. Il est souvent arrivé qu'on se fasse des cadeaux mutuels liés à cette histoire d'immigration algérienne, des bouquins, ou qu'on s'intéresse à... Ouais, on a ça en commun aussi. Et on s'est retrouvés là-dessus aussi. Ouais. Et aussi sur la cause du peuple palestinien. À un moment donné, il a été très très investi là-dedans. Comment tu t'es retrouvé en 1986 à faire le service d'ordre des manifestations étudiantes? Ben, c'est mon pote Fred, en fait, qui était la conscience étudiante de Colombe. Donc un jour, il m'a demandé un coup de main, il m'a dit « Ouais, demain, tu peux venir m'aider à faire le SO, en plus on va passer à côté d'Assas et tout. » Et on a été attaqué par le GUD. Extrême droite étudiante de la fac d'Assas. La fac d'Assas. Mais ce jour-là, ça n'a pas été cool pour eux. Donc, ça m'a permis pour une fois de faire un truc utile. Après, j'ai fait pas mal de trucs en banlieue, moi, en fait. Milieu associatif, ils ont emmené des jeunes, temps d'activité, comme ça on organisait des trucs. Après, je suis reparti plutôt sur la boxe. En 95, j'ai eu un besoin d'aide spirituelle. Et puis, c'est à ce moment-là que je me suis reconverti. T'as renoué avec l'islam, là Ouais. Genre, ça m'a discipliné ma vie. Pas de défonce, pas d'alcool. Sport. Et puis, quand je me suis reconverti, y a un truc que j'ai appris. Hein. Tu coupes pas avec ton daron. C'est ton père, quand même. Pendant 10 ans, quasi, c'est pas adressé à la parole. Alors j'étais le voir, j'ai dit, écoute, j'ai pris ce chemin-là, et tant qu'on fasse la paix, tant qu'on a fait la paix. De ce jour-là, il m'a vu comme quelqu'un de bien. S'il y avait moyen de redevenir jeune aujourd'hui, et de refaire un tour de manège comme je l'ai fait de ma vie, ça non, je reviens pas. Je signe pas. C'était Skinhead de France, histoire de jeunesse. Prise de son Nicolas Mathias, mixage Claire Levasseur, archivina Stéphanie Place, réalisation Delphine Lemaire, coordination Christine Bernard. Un documentaire de Philippe Roisès. C'est la fin du premier épisode. Je vous retrouve demain pour découvrir le portrait d'un autre skinhead tout aussi surprenant.